Toujours à la même occasion, a eu lieu le discours au Grand Théâtre de Pyongyang-Est, le récit dansé et chanté sous thème « Autobiographie de la jeunesse ». Y ont assisté Kim Yong-nam et autres cadres responsables du parti et de l'État, un président de parti ami, des officiels des organismes du parti, des forces armées et du pouvoir, du cabinet ministériel, des formations des travailleurs, des ministères et établissements centraux, les méritants, les militaires de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée, les cadres des établissements, usines et entreprises et les novateurs de la ville de Pyongyang.